بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. خديجة كومنتيه بار أبو تيمية خليل المتنكي حفظه الله تعالى. درس التم لسون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Donc après l'interruption, on va reprendre, Inch'Allah. Min al-hadith al-wahid wal-arba'in. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala. Wa an Aishata radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yujibuhu atayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'ni kullihi muttafaqun alayhi. وفي الحديث الثاني والأربعين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامينكم. أخرجوا الأربعة وصححه ابن خزيمة. تمام. Donc selon Aïcha, qu'elle a dit que le prophète صلى الله عليه وسلم aimait commencer par la droite en toutes choses, en se chaussant ou lorsqu'il se peignait, en se purifiant en toute situation. Le hadith est muttafaqun alayhi. Et selon Abu Hurayra, qui a dit que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que si vous faites l'udo, alors commencez par la droite. Et le hadith, il a été apporté par Arba'a et authentifié par Ibn Khuzayma, et il est authentique. Donc il dit, حفظه الله تعالى. المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين. Les règles, les rites tirés de ces deux hadiths. أولا مسألة حكم التيمم في أرداء الوضوء. Le jugement du fait de commencer par la droite par les membres de l'odo. Plus d'un savant ont rapporté l'ijma, les gens de science, que cela est mustahab, cela est recommandé. Et que cela, bien entendu, est ce qui est de préférable et non pas obligatoire. Et ceux qui ont contredit cet ijma sont les shia, les chiites. Naam. Tamam. Donc le shia al-Saymin, il dit dans son char de l'Boulour, il dit وهو للاستحباب لأن الله قال وأيديكم للمرافق ولم يرتب وإنما رتب بين الأعداء دون العدوين اللذين هما في مقام عدو واحد. Donc le Cheikh Othaymine رحمه الله تعالى dit dans son char d'al-Bulugh que cela démontre l'istihbab, cela est recommandé, car dans le Coran il a dit, c'est-à-dire après avoir dit essuyez, dans le sens essuyez vos têtes et vos deux mains jusqu'au coude. Et qu'il n'a pas donné d'ordre. D'accord ? Il n'a pas établi d'ordre. Il a dit les deux mains. C'est-à-dire en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il a défini l'ordre des membres. C'est-à-dire, par exemple, tu commences par les membres, l'ordre des membres, mais par exemple, quand tu as une paire de membres comme la main, on t'a pas dit par lequel les deux commencer. Par exemple, tu as dit Aïdiyakum, c'est-à-dire les deux mains ensemble, sans préciser laquelle des deux que tu commences. Par exemple, bien qu'il a commencé par Sil Wujuhakum, ainsi de suite, quand même, il a commencé par le visage, tout ça. Il a bien mis l'ordre des membres à laver. Mais par exemple, وَأَرْجُلَكُمْ لِكَعْبَيْنِ par exemple, il a dit les deux jambes jusqu'aux chevilles. Est-ce qu'il a dit laquelle des deux tu commences? Non. أَيْدِيَكُمْ لِمَرَافِقِ et vos deux mains, vos avant-bras jusqu'au coude. Est-ce qu'il dit par laquelle tu commences? Donc il dit voilà. Donc on a l'obligation du tartib, il est connu dans les membres de l'odo. Mais maintenant quand tu as une paire de membres comme les mains ou les jambes, par exemple, par lequel tu commences des deux, ce hadith-là est une preuve démontrant que c'est mustahab. Et que c'est pas un pilier dans l'odo. Et là même demain tu commences par la gauche, son museau, il va être bon, inchallah. Mais ce sera khilaf et sunnah. Tu n'auras pas été en conformité avec la sunnah. Après, il y a un tanbih de Nawawi dans son char de muslim où il dit: sache que ثم اعلم ان اعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيمم والتيامن وهو الاذنان والكفان والخذان الخدان بل يطهران دفعه واحده فان تعذر ذلك كما في حق الاقطاع ونحوه قدم اليمين والله اعلم. Il dit que, sache, les seuls membres de l'odo où la droite n'est pas recommandée, c'est les deux oreilles et les mains et les joues. Car tout cela, tu les fais ensemble. Quand tu laves tes oreilles, tu les fais ensemble. C'est pas une oreille et l'autre. Tu fais ensemble. Quand tu laves tes mains, tu les fais ensemble. Quand même. On parle de la main toute seule, hein. Pas l'avant-bras. L'avant-bras, c'est connu, c'est un, après c'est l'autre. Et quand tu lèves ton visage, chaque côté du visage, les joues, tu le fais ensemble. T'as même. T'as. Et il dit que si par contre, on ne peut pas faire les deux ensemble, t'as on ne peut pas faire les deux ensemble, comme par exemple quelqu'un qui serait un manchot, s'il a une main coupée, alors il commence par la droite. S'il le peut. Par exemple, il n'a qu'une main, il ne peut pas faire les oreilles en même temps, mais il commence par l'oreille droite. Parce que quand même de Nawawi. Ça se concernait les deux hadiths, celui de Aïcha et celui de Abu Huraira. بعد ذلك يقول الحديث الثالث واربعون وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته ولا العمامة والخفين أخرجه مسلم. سر المغيرة بن شعبة que le message d'Allah صلى الله عليه وسلم a fait l'odo, le fier son front et sur sa imama turban et sur ses khufayn, c'est-à-dire les pantoufles de cuir. Le hadith fait apporter par muslim. Donc il dit كذلك المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. مسألة المسح على العمامة. L'essuyage sur la imama. ذهب أكثر العلماء que la plupart des savants, parce que Nawawi l'a rapporté et d'autres que lui. Certains voient que le fait de suivre sur l'imam tout seul ne suffit pas. Tamam. Ils ont pris comme preuve la parole d'Allah, wamsahu bi wujuhikum wamsahu bi ru'usikum. Hein, essuyez vos têtes. Donc l'imam ne fait pas partie de la tête. Et d'autres savants ont vu la permission de l'essuyage sur l'imam et le fait de s'en contenter. C'est le mazhab de plusieurs ulama. Et parmi les sahaba qui l'ont fait, Abu Bakr Siddiq, Omar ibn Khattab, Anas ibn Malik, Abu Umama. Et cela a été rapporté également selon Saïd, Saad ibn Abi Waqqas et Abi Darda. Et Omar ibn Abdelaziz, et bien d'autres, qui l'ont fait. Toute seule. Ils ont pris comme preuve le hadith rapporté par Amr ibn Umayya, dans Sahih al-Bukhari, qui l'a dit, « Ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yamsahu ala imamati wa khuffay. » Ou bi hadith Bilal fi Muslim, أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. وفي الحديث ثوبان عند أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحث سرية فأمرهم أن يمسحوا ولا العصائب والتساخين. Donc la preuve c'est le hadith de Amr ibn Umayya, rapporté par le Bukhari, qu'il dit, j'ai vu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam essuyé sur sa imama et sur ses pantoufles. Également le hadith de Bilal, rapporté par un muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam essuyé ses pantoufles et sur son khimar. La différence entre le khimar et la imama c'est quand elle est attachée de la tête. Et khimar c'est quand elle est posée. Là, comme ils font en Saoudi par exemple. Tu vois, ça c'est khimar. La imama c'est plus comme ils font au Yémen. Même. Et Shayahé voit que le plus employé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est imama. Plus que le khimar. Que l'akrab de la sunna c'est l'imama. Et le hadith de Thomas, Shayahé rapporte que le hadith de Bilal il est muntaqad. Si je me rappelle. Et je crois que le Shia va en parler. En tout cas, de ce que j'ai vu une fois de Shayahé, il voit que le. De ce qu'il me rappelle, que le hadith de Bilal il est muntaqad. Dans le Sanad, il y a une chose qui est à revoir. Mais rien ne touche au sens. Comme on avait dit dans les hadiths de Muslim et de Al-Bukhari, lorsqu'il y a une chose qui est à redire sur l'isnad, on appelle ça muntaqad. Car le hadith, quoi qu'il en soit, le sens, ils n'ont aucun hadith qui ait un sens faible à délaisser ou maudoua. Il n'y a pas ça dans le Sahihain. Le sens est toujours correct. Juste, les gens vont dire, ouais, mais le sanad, il a quelque chose. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Parce que le même muslim, le même khali, ils ne sont pas infaillibles. Mais malgré cela, le hadith, le fait d'agir en fonction du hadith, n'en remet pas en question. Le hadith, il a toujours une base. Tu comprends? Enfin, ils disent muntaqada. Ils disent pas da'ifa. Et des fois, muntaqada, dans quel sens? Que le hadith, par rapport à leurs propres conditions à eux, il y a une chose qui ne va pas. Mais le matn du hadith en soi, il n'y a rien à redire. Le matn, l'énoncé du hadith, en soi, il n'y a rien qui est mensonger ou qui est inventé. Il n'y a pas. Juste les critiques qu'il pourrait avoir, ce serait par rapport au sanad, ou par rapport à la condition, ou par rapport au degré d'authenticité. C'est tout. Mais sinon, il n'y a rien de. Y a, comme on dit, la Oumma, elle est unanime sur le fait de vrai avec ces deux livres. Les seuls qui contredisent cela, c'est Shia Rafida, ces gens-là. Non. Et quelques Akraniyin ou des gens qui, voilà, leur parole n'est pas considérée. Et parmi la preuve également du fait d'essuyer sur l'imama, que cela suffit, un hadith rapporté dans le Musnad de Ahmed, selon Thauban, que le messager d'Allah a envoyé une Sariya. Le Sariya, c'est une partie d'une troupe. Vous voyez? C'est un peu comme un commando. Et il aura ordonné, un escadron, quoi, on va dire plutôt. Il aura ordonné d'essuyer sur leur imama et leur khouf. Al-Asa'ib, c'est l'Amaim. Al-Tassakhin, le Khoufain. Ça va venir, Inch'Allah, ce hadith. Dans Bab, Al-Mas, le Khoufain. Il va venir. Inch'Allah. Donc la parole, là, c'est Adillah démontre que, d'accord, la parole la plus juste, c'est de pouvoir essuyer sur l'imama seul et se contenter. Tamam? Car même le verset qu'ils ont pris, وَمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ, essuyez vos têtes. Le Coran, il est expliqué par la sunna. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et la imama, elle est où? À la rosse. D'accord? À la rosse. C'est comme lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? وَالْجُورَكُمْ لِلْكَعْبَيْنِ, et vos pieds jusqu'aux deux chevilles. Il n'a pas fait le masque sur les Khoufain. C'est la même chose. Si on accepte ça, on va faire celui-là. Dans le Coran, il est écrit d'essuyer, de laver vos pieds. Le Prophète, il est essuyé sur ses Khoufain. Donc le verset en soi, il est général. Après la sunna, il est venu pour expliquer. Donc le reste de l'aile, il n'est pas correct avec le verset. Donc cette parole, c'est l'avis authentique qu'il y ait. Que le simple fait d'essayer sur l'imama, suffit. C'est la parole de la plupart des savants. Très nombreux même. Après, il dit Mas'ala, idha masaha muqaddamat sha'r ar-ras ma'al imama. S'il essuie, yani les cheveux on va dire là, s'il a une frange ou des cheveux en avant du front. Par exemple, ta imama, elle est un peu élevée, tu as des cheveux qui dépassent. Et que tu les essuies avec la imama. Donc le hadith de Mourira démontre que cela est permis. Elle a dit, Masaha bi nansiyatihi. Nansiya, c'est le début de la tête. Donc certains voient que c'est obligatoire de le faire, et d'autres voient la permission. Donc apparemment, ce serait. Ça y est. Quoi qu'il en soit, tu peux faire partie de la tête avec la imama, si jamais elle découvre un peu le début de la tête, et si elle comprend toute ta tête, tu peux la faire sur la imama toute seule. Les deux. Car on a eu les preuves que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les deux. Après, il dit mas ala, mas el uzunayn ma l'imama. Essuyer les deux oreilles avec l'imama. Quand même. Il rapporte pas de Bukudama dans le Mughni. Déjà, il cite qu'il n'y a aucun khilaf dans le fait que les oreilles sont. C'est mustahab de les essuyer, c'est pas wajib. Et il voit également que. Il y a ni qu'en soi les oreilles. Il y a ni la parole de Qudama, c'est qu'en fait. Lui, juste, le Qudama, il dit que c'est pas wajib. Mais il n'a pas non plus nié le fait que c'est légiféré. Il suit les oreilles. Avec l'imam. En fait, c'est ça, non. Ni le fait que ce soit recommandé également. Et lui, Shir, il voit que c'est mustahab de le faire. Pourquoi ? En prenant la généralité englobée dans les hadiths qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ses oreilles. Et je me rappelle que Shaykh Yahya avait interrogé des mèdes et il avait dit de ne pas le faire. Là, je me rappelle de cette question sur une feuille qu'il avait envoyée où il avait dit de ne pas le faire. Car dans les hadiths où l'imam a les cités, il n'est pas dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essuyé ses oreilles. Donc ils ont pris les hadiths, les autres hadiths généraux où il a fait ses oreilles. Et d'autres disent non, on prend les hadiths où il y a l'imama, il n'a pas été dit qu'il essuie ses oreilles avec. Par exemple là, le hadith de Mourayra, il dit bien, il a précisé son front. Ou ala l'imama, ou ala l'khufayn. Donc, s'il avait fait avec les oreilles, il l'aurait dit. Ou ala l'uzunayn, thumma l'khufayn, par exemple. Il n'aurait pas sauté l'étape comme ça. Il l'aurait bien dit dans l'ordre, comme il a vu le professeur sallam faire. Et là, il n'a pas dit qu'il l'a fait. Donc la masala, tu vois, elle est comme beaucoup à divergence. Et pour moi, je vois que l'avis de Cheikh Yahya par rapport à ça, il est plus correct. Car ça n'a pas été dit qu'il l'a fait. Maintenant, celui qui l'a fait, on ne peut pas dire que c'est non plus une mukharafa ou quoi. Et l'autre, il est valide. C'est une chose qui est souple. C'est un peu comme le siwak, la main gauche, la main droite. C'est la même chose, même genre de khilaf. Non. Quoi qu'il en soit, les oreilles, de toute façon, à la base, c'est mustahab. Même si tu ne l'as pas fait, ton dos est valide. Après, il dit Mas'ala, al-yashtarit libsuha ala tahara. Est-ce qu'il est conditionné de la mettre, c'est-à-dire la imama, en étant d'impureté, c'est-à-dire comme avec les roufs, comme ça va venir. Que pour pouvoir faire le mas sur les roufain, essuyer les roufs, il faut les avoir mis. Alors que tu es pur, après avoir lavé tes pieds. Donc ils disent, est-ce qu'il faut faire pareil avec l'imama, la mettre, et que ta tête ait été pure avant d'essuyer dessus? Donc après, il y a un khilaf. Des savants disent que le jument, ils ont fait un qiyas comme avec les pantoufles, les khufayn, qu'il faut que tu les poses avant, avec une tête que tu aies fait sur une tête de purification. Donc pour lui, il voit que tu d'après, tu l'essuies si tu l'as mise avant et que tu ne dépends de ta purification. D'accord? Et Shir, il dit que non, l'avis qui est correct, c'est que tu peux le faire car le hadith n'a pas été précisé, alors que dans les Khufayn, ça a été dit. Comme le Nabi Salam, Da Huma Fa Inni Atraltuhuma Tahiratayn. Il a dit à Mughira, quand il a voulu lui enlever ses Khufayn, il a dit laisse-les, car je les ai mis, chaussés, alors que j'étais en état, alors que mes pieds plutôt, hein, était purifié. dans l'almama, ça n'a pas été dit. Ça n'a pas été dit. Donc, ce n'est pas conditionné. Même demain, tu fais l'ozo, et t'es pas en... c'est ton premier ozo, tu as même Ardasta, dans l'état d'impureté mineure, tu fais l'ozo, tu es un imama, tu es dessus. C'est pas comme les roufs. Après, dis pas, et mas'ala, Allah tawqitun fil mas alayha. Est-ce qu'elle a un horaire défini, comme pour les roufs, pantoufles? Ça va bien. Pour le pantouf, c'est 24 heures, une nuit, un jour pour le résident, et 3 jours et 3 nuits pour le voyageur. Ça va bien, Inch'Allah. Donc il dit, est-ce que c'est le même jugement pour l'imama? Ah ben, certains ulama voient que oui. Comme ils ont fait le qiyas de l'imama sur le khufayn. Donc les règles du khufayn, ils l'ont fait sur l'imama aussi. Mais ça, il n'y a pas de dalil. Et le qiyas, il n'est pas... il n'est pas adapté. Il n'est pas adapté. Donc la parole authentique, c'est qu'il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. À chaque fois que tu fais l'odo, tu as l'imama, tu peux essuyer dessus. Tu peux l'avoir enlevé, la remettre, tu essuies dessus. Non. Ça, c'est la parole de Cheikh Othaymin, par exemple, parmi les contemporains. Ibn Hazm dans le Muhalla, à l'époque. Après, il dit mas'ala. إذا نزع الإمامة بعد المسح عليها فلينقض وضوءه. Il dit, si jamais il enlève sa imama après l'avoir essuyé, est-ce que cela annule son wudu? Dans le mazhab de Ahmed, ça annule wudu. Et d'autres. Et Cheikh Mokbel, Cheikh Al-Othaymin et d'autres voient que cela n'annule pas l'wudu, parce que l'wudu est annulé par des choses définies, basées sur un dalil. Comme dans les roufs, ça va venir. Est-ce que le fait d'enlever les roufs, alors que tu es en état de purification, tu as l'odo, tu n'as rien fait, tu enlèves les roufs. Est-ce que ça veut dire que tu n'as plus l'odo? Le khilaf va venir. Mais en vrai, non. Car ce n'est pas parmi les nawakid de l'odo. Il y a un beb qui va venir, qui est les annulatifs de l'odo. Quelles sont les choses qui annulent l'odo? Et cela n'est pas cité, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc enlever la imama, une fois que tu as fait le mas, n'annule pas ton odo. Et après, il dit, dernière mas'ala, mas'ala al-khimar. Oh non, il y a encore une mas'ala après celle-là, non. Al-mas'ala al-khimar. Khimar, on l'a dit, c'est quand tu poses, quand même, le foulard sur la tête. Ala, ben, c'est comme on voit en Saoudi, mathalan. Donc, Ibn Hazm et d'autres ulama voient que cela est permis en se basant sur le hadith de apporté par Bilal. Et d'autres savants voient que non. Que la permission n'est venue que pour l'imama, pas pour autre. Car le hadith de Bilal en réalité n'est pas clair. Car l'imama, des fois, on emploie le terme khimar pour l'imama. En langue arabe. Quand même, des fois le terme khimar, on veut dire par là l'imama. Pourquoi? Car khimar, c'est une chose qui recouvre. Et l'imama, elle fait cela. Elle recouvre sa tête. Donc il y en a, ils disent en langue arabe, et khimar, vous voyez, c'est là qu'elle a l'imama. Donc il rapporte une part de Nawawi, dans son chapitre du hadith, où il dit Yani bil khimar el imama. Par la khimar, il veut dire quoi? Al-imama. Lienna, l'innaha tukhamir al-ra'as. Car elle recouvre la tête. Il a apporté une parole de Ibn Athir dans Al-Nihaya, qui explique les mots compliqués des hadiths, où il dit Wal-khimar arada bihi al-imama. Il parle le sens du khimar, il a voulu quoi par là? Al-imama. Donc le shir est fini en disant que le khimar, en langue arabe, on l'applique pour l'imama. Mais que le prophète sallam était connu que la plupart du temps c'est quoi qui faisait? C'est l'imama attaché en turban. Donc lui il voit que le hadith de Bilal, le sens voulu c'est l'imama. Donc lui, il voit que tu ne fais pas sur le khimar. Il voit que tu ne fais pas sur le khimar. Par contre, chez Yahya, je me rappelle que lui, il voyait que tu mets sur le khimar. Tu pouvais faire sur le khimar, si je me rappelle bien. Il y a longtemps, au tout début. Après, j'ai noté la feuille dans Muslim. Première façon, le front avec la imama. Deuxième façon, imama toute seule. Troisième façon, khimar. Je crois qu'il y a aussi quatrième façon, je crois, khimar et le front. Il me semble, mais c'est il y a longtemps, donc c'est vague encore. Voyez. Après, il dit, El mashu ala al kalansua. Il faut essuyer sur ce qu'on appelle le chéchia aujourd'hui. Ni un chapeau, ce qui office de fait chapeau, comporterait, autre que l'imama ou quoi, est-ce que ça équivaut? Il cite à plusieurs savants qu'il voit que cela ne peut pas se faire. Et il fait rapporter un affar de Anas que lui l'a fait. Mais son isnad, il est d'arif. Et également, par contre, il y a un affar qui est venu d'Abu Moussa al-Ash'ari, authentique, il l'a fait. Et ce fut le choix de Cheikh al-Islam. Il voit que tu peux le faire. Mais la plupart des savants, en fait, ils voient que non. Le Boujoumour, ils voient, c'est ce qu'il a dit au début. Il a dit plusieurs noms, je ne les ai pas mis à Ouza'i, ou à Saïd ibn Abdel Aziz, il y a Malik, il y a Shafi'i, il y a Al-Nu'man, ou Ishaq, et d'autres. Tout cela, ils voient que tu ne le fais pas sur la colonne Sowa. Et lui, chéri, il voit que c'est leur avis aussi, que c'est celui qui est correct, c'est que tu ne le fais pas. Que le hadith est venu pour l'imama, c'est tout. Non. Et en plus, il y a une différence entre les deux. L'imama, la chéchia, il y a une différence entre les deux. Même une différence. Déjà, l'imama, parmi les choses qu'il y a, c'est que souvent elle est attachée. Donc le fait de faire le dos de l'enlever, pas grave, mais chaque pas. Ou t'es en voyage ou quoi. Donc le chapeau, si tu l'enlèves direct, tu poses. La salane. Et donc, on ne fait pas un qiyas de l'imama sur la chéchia. C'est son avis. Et dernière mas'ala, il dit mas'al mar'a à la khimariya. Que la femme essuie sur son voile. On dit aussi khimar pour la femme. Pourquoi? Hein? Il recouvre la tête. Non. Ça, là, en fait, c'est un terme général. Tu vois, un terme général. Après, il dit que la plupart des savants voient que la femme ne le fait pas. Il parle de Malik, d'Auza'i, Shafi'i et d'autres. Et de Ahmed, ainsi de suite. Et d'autres ulémas voient la permission. D'ailleurs, c'est une chose que Moussalama a fait. Ça a été rapporté dans le Moussannif de Ibn Abi Shayba avec un isnad Hassan. Qu'elle le faisait. Elle a fait son khimar. Donc lui, le shir, il voit au final que si... Hein? Moussalama l'a fait. Ouais. Donc shir, il dit qu'il voit que le parole rajih, c'est que si la femme... Elle a du mal, par exemple, avec son voile à cause du froid ou quoi. Elle ne peut l'enlever ou ce genre de choses. Alors, il lui permet de d'essuyer dessus. Car elle ressemble à l'imama. Le foulard de la femme est plus comparable à l'imama que le chicha, par exemple. Et c'est l'avis de Cheikh al-Islam. Et il rapportait une parole de Cheikh al-Othaymin, qui, dans Cheikh al-Mumtir, qui voit cet avis-là également. Que la femme, dans des situations particulières, où elle ne peut enlever son khimar, par exemple, pourquoi, elle peut le faire. Elle peut le faire. Quand même. Donc voilà quoi. Ça c'était l'avis par rapport au fait d'essuyer sur l'imama pendant l'ouzo.